بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parce qu'on sait la méthodologie, le منهج par lequel on applique cette عقيدة sur cette terre, ce qu'on va expliquer maintenant, on prend des points qui vont nous arriver, qui nous expliquent ce qu'on doit suivre pour établir encore une fois ce din sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. Le premier point, ونؤمن بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. Nous disons que ce qui a réformé les derniers de cette communauté, c'est-à-dire nous, c'est les derniers de cette communauté, pardon, il ne peut être réformé que par ceux qui a réformé les premiers de la communauté. Ça veut dire qu'on doit les suivre. Les salaf, sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout, ils ont établi le din d'une certaine manière. Ça, c'est pas ijtihadi, c'est tawqifi. Tout ça, on n'a pas enfin, d'effort d'interprétation ou à chercher quoi que ce soit, comment les kuffars, ils ont établi leur état. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment. Hein? Et les sahaba du prophète. فَمِنْهَجُنَا مِنْهَجَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ قال صلى الله عليه وسلم أنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله عز وجل بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد رواه أحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري. Notre manhaj, notre méthodologie, c'est la méthodologie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit je vous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonné, cinq choses. Le premier, al-jama'a, le groupe, de se rassembler en tant que musulman. Le deuxième, al-sam'a wa ta'a, écouter et obéir. Écouter et obéir à qui? À vos umara, au chef de ce groupe. Parce que l'islam, il est venu, et en cela, le Coran et la sunna, lisez, on voyait Kitab al-Imara dans Sahih Muslim, ou Kitab al-Ahkam dans Sahih Bukhari. Vous verrez comme quoi, cette religion, c'est pas une religion, ici on parle pas de démocratie. C'est pas non plus la royauté. Nous, on fonctionne avec l'imara, avec l'émir. Les musulmans, il faut qu'ils aient une tête. Il faut qu'ils aient une tête auquel ils obéissent. C'est, si tout le monde reste dans son coin, et si tout le monde, vit sa petite vie, on n'établira jamais l'islam sur cette terre. Donc, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, c'est al-jama'a, le groupe. Il dit, Allah, dans le Coran, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous à l'accord d'Allah et ne vous divisez pas. Ensuite, il dit wasam' wa ta'a, et écoutez, obéissez. C'est-à-dire ici, c'est la preuve de l'imara, de l'émir. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et un hadith rapporté par Ahmed, إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر أحدهم. Lorsque trois personnes sortent en voyage, qu'ils nomment l'entre eux comme émir. Que dire alors si on n'est pas en état de voyage, mais si on est dans la vie de tous les jours? Si c'est une obligation en état de voyage lorsqu'on est trois, c'est encore plus une obligation dans la vie de tous les jours, comme il a dit Ibn Taymiyyah dans Siyas al-Shar'iyya. Et le deuxième, ensuite, il dit, wal hijrati wal jihad. Et ensuite, il nous a ordonné cinq choses, al-jama'a, le premier, al-sam'a, écouter les umara, les émirs, wa ta'a, leur obéir, al-hijra, émigrer de la terre de mécréance vers la terre de l'islam, ou quitter la terre où on est persécuté pour notre religion, wal jihad, et lutter dans le sentier d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ces cinq choses sont des obligations. Il dit, amurukum wa an amurukum bi khams. Je vous ordonne ces cinq choses. D'ailleurs, c'est cinq obligations. On parle pas de choses, c'est préférable, c'est mustahab, c'est recommandé, quoi que ce soit. C'est cinq obligations. Wal jama'atu wasilatun marhaliyya tahdafu fi nihaya ila iqamati jama'at al-muslimin al-khilafatu ala manhaj al-nubuwa. Wal imamatu mawdu'atun li khilafati al-nubuwati fi hirasati al-dini wa siyasati al-dunya. وعقدها لما يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. الجماعة c'est un moyen. Le groupe, le fait que les musulmans se rassemblent en groupe sous l'autorité d'un émir, c'est un moyen. Qui est ce moyen, c'est pour arriver à un but qui est d'établir jama'at al-muslimin, le groupe des musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans, sans exception, soient rassemblés sous l'autorité d'un seul émir ou d'un seul imam qui sera al-khalifa, le calife des musulmans. Et les ulama, ils ont dit, comme Al-Mawardi dans l'Ahkam Sultani à la page 5, que l'imam, il succède à la prophétie pour garder la religion des gens et organiser la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que l'imam, le khalifa, le calife, il succède au prophète, comme Abu Bakr al-Siddiq a succédé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a succédé au prophète dans quoi? Dans le fait de préserver le din des gens et d'organiser leur vie de tous les jours. Organiser dans le sens de siyasa, c'est le mot politique. C'est-à-dire organiser la vie politique des gens, la vie de tous les jours, la vie de l'État. Et ensuite, il dit, et le fait de nommer l'imam est une obligation à l'unanimité. C'est-à-dire, c'est une obligation pour les musulmans de quoi? D'avoir un imam, d'avoir un calife. Elle est où cette obligation depuis plusieurs siècles maintenant? Elle n'est pas présente. C'est pour ça que c'est une obligation pour tous les musulmans qui portent l'aqidah de Ahl-Sunnah, qui ont compris le tawhid, de travailler pour rétablir ce imam, pour rétablir ce khilaf. ولا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعه. Ils disent, les ulama, en se basant sur les hadiths, qu'il n'est pas permis aux musulmans qu'ils passent deux nuits sans avoir à son cou le bay'a pour un imam, qui est un serment d'allégeance. Et ensuite, cette parole-là, par exemple, est citée par Ibn Hazm al-Muhalla. Ici, on parle du calife. وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Il faut écouter et obéir aux imams et aux chefs des croyants, Amir al-Mu'minin, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pécheurs. Alors qu'ils soient pieux ou soient pécheurs, il faut continuer à lui obéir. Il dit, et celui qui a été nommé calife et que les gens se sont rassemblés sous son autorité et l'ont accepté, ça c'est le premier cas dans lequel la personne est calife. Si les gens ils se rassemblent et ils disent, un tel, il faut qu'il ait le califat, il a le califat. Et le deuxième cas, وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ, celui qui a pris le pouvoir par la force et par l'épée. Jusqu'à ce qu'on le nomme khalifa et qu'on l'appelle Amir al-Mu'minin, celui-là aussi, il faut lui écouter et lui obéir. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection. Soit il est nommé calife par les musulmans, c'est-à-dire par les ulama, par les mujahidines, par les gens qui sont importants, et qui disent, cette personne-là, il a droit à l'autorité, il mérite l'autorité. Il y a des conditions parmi lesquelles le fait qu'il soit musulman, parmi le fait qu'il soit un homme, la femme n'a pas d'autorité dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, son Abu Bakr, لَنْ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْ إِمْرَهُمْ إِمْرَأَ. Un peuple qui est gouverné par une femme ne réussira jamais, jamais. Ça signifie quoi? Que c'est haram. Et qu'en plus, c'est la perdition. La femme, elle n'a aucune autorité. Allah, il ne l'a pas créée pour l'autorité. Allah, il l'a créée, pourquoi? Pour prendre soin de son mari, de ses enfants. Il ne l'a pas créé ni pour combattre, il n'y a pas de djihad armé pour la femme, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha, et il n'y a pas non plus d'autorité politique pour la femme. La femme ne peut pas être émir, elle ne peut pas être juge, elle ne peut pas être quoi que ce soit. Elle peut être savante, par contre. Et il faut qu'il soit membre de la tribu de Quraysh pour être calife, c'est-à-dire émir de tous les musulmans. Le prophète Sarasim, il a dit, al-a'immatu min Quraysh. Les imams sont de Quraysh. Il doit être membre de la tribu de Quraysh. Ça, c'est à l'unanimité de Ahl-Sunnah wa Al-Jama'ah. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مَأِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ فَأَقَرَّ لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ بِرِضَى كَانَتْ أَوْ بِغَلَبَةٍ فَهُوَ الشَّاقُّ هَذَا الْخَارِجَ عَلَيْهِ الْعَصَى وَخَالَفَ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ. L'imam Ali ibn al-Madini, radiallahu rahimahullah, il dit, comme c'est rapporté par Al-Lalika'i, dans son sunnah, il dit, celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, autour duquel les gens se sont rassemblés, qu'ils ont témoigné comme étant un calife, que cela soit en acceptant ou s'il a pris le pouvoir par la force, celui qui sort contre ce calife, il a brisé le bâton de l'obéissance. Il s'est opposé au texte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt, il meurt du mort de la jahiliya. Il n'est pas permis de combattre le chef de l'État, le sultan, le gouverneur. Il n'est pas permis de le combattre, il n'est pas permis de se rebeller contre lui. Et celui qui fait cela est un mubtadi' qui n'est pas sur la sunna. Et on a vu précédemment dans l'aqidah que cela c'est pour les muslimin. C'est pas pour le tawarit. Le Tawarit, à notre époque, les gouverneurs, ils ont changé la loi d'Allah. Ils ont autorisé le shirk dans leur pays. Ils ont autorisé ce que Allah a interdit. Ils ont pris pour alliés les kuffars. Et la plupart d'entre eux font partie de sectes. Ils sont les esclaves du sionisme et de la franc-maçonnerie et des choses comme ça. Ils en ont même pas honte. C'est-à-dire, c'est connu, ces choses-là. Pour celui qui s'y intéresse. Ces gens-là, c'est une obligation de sortir contre lui. Ce sont des shayatins, ce sont des murtadins. Ils n'ont pas le droit. Mais si un musulman prend le pays, le pouvoir dans ces pays-là, ou comme certains musulmans ont pris le pouvoir dans certains pays, cela, il a une obligation de lui obéir et il est interdit de sortir contre lui. Encore une fois, pas d'élection, pas de révolution. Une fois que le gouverneur applique la sharia ou qui sert le tawhid, pas d'élection, pas de révolution. L'écoute et l'obéissance. On n'est pas des francs-maçons, on n'est pas des démocrates. Toutes ces histoires de révolution, que ce soit dans le monde arabe ou quoi que ce soit, tout ça, c'est des inventions maçonniques. Ces gens-là, ils seront enlevés du pouvoir par la da'wah, appeler les gens au tawhid et le djihad qui doit être mené contre eux. Et ensuite, on met à leur place un mouahid parmi les gens de Quraysh qui a appelé Amir al-Mu'minin. Pas d'élection, pas de révolution. Wa nu'minu bi wujub ijtima' al-muslimin fi jama'a wa ta'yin amir. Et nous croyons à l'obligation du rassemblement des musulmans dans une jama'a, dans un groupe. Et on a cité quelques preuves de cela, parmi lesquelles la plus importante, je vous ordonne cinq choses, et la première chose qu'il a dit, al-jama'a. Dans les nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alaykum bil-jama'a, suivez le groupe. C'est une obligation. Et cette jama'a doit avoir un émir. Cette jama'a doit avoir un émir. Wa hadha al-amir wajaba sam' wa ta'atu lah. في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. Et comme l'a rapporté Al-Bukhari, une fois que cet émir il est désigné, nous devons l'écouter et lui obéir dans la difficulté et dans l'aisance. Et même si nous y trouvons, si nous trouvons qu'il fait preuve d'une certaine injustice, même si c'est quelque chose dans lequel on n'est pas d'accord, on écoute et on obéit à l'émir. Et nous ne disputons pas l'autorité à ceux qui l'ont. Wa nu'minu bi wujub al-hijrati min dar al-kufr ila dar al-islam wa min dar al-bid'ati ila dar as-sunnah wa min dar al-fisq ila dar at-ta'ati wa la tanqati'u al-hijratu ma qutila al-'adu ma qutila al-kuffar. Et nous croyons à l'obligation de l'hijra, qui est une obligation d'émigrer de la terre de kufr vers la terre de l'islam. Et de la terre de l'bid'a, de la terre de l'innovation vers la terre de sunnah, de la terre de l'fisq, du péché vers la terre de l'obéissance. Nous avons cité plusieurs fois les preuves de l'hijra dans le Coran et la sunnah, et l'ijma' qu'a cité Ibn Kathir par exemple dans son tafsir, l'unanimité des ulama, comme quoi c'est lui qui délaisse l'hijra, alors qu'il ne peut pas appliquer son din, il est murtakib haram, il a commis un interdit, il a fait un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme dans sunnah al-Nasa'i, l'hijra ne s'interrompra pas tant que les mécréances sont combattues. Il n'y a pas d'islam de France. Il faut faire le hijra de France. Les mosquées à 2 millions d'euros, ça suffit. Il faut faire le hijra de ce pays. Celui qui a de l'argent, qui garde son argent ou qui le rassemble avec ses frères pour quitter cette terre de mécréance. Pas pour construire des mosquées à 2 millions d'euros. Waliyadu billah. Wal jihadu mad. مع كل طائفة من المسلمين وللمرء أن يجاهد وحده ومع الأمراء برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ولا تجوز طاعتهم في معصية الله ولكن يجوز أن نقاتل من كفر بالله مع من عصى الله عند الحاجة ومن باب دفع عظم المفسدتين بأدناهما لكن الجهاد تحت الراية السنية الفاضلة أحب عندنا وأولى وأوجب والجهاد فريضة من الفرائض لا يعطله فقد إمام ولا انعدام دولة الإسلام. Et le djihad est une obligation, et elle restera jusqu'à la fin des temps, avec tout groupe de musulmans. Et la personne, s'il ne trouve pas de groupe, il a le droit de faire le djihad tout seul. Il a le droit de faire le djihad avec l'umara, qu'il soit pieux ou qu'il fasse des péchés, jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'est pas permis d'obéir à ces umara dans la désobéissance à Allah. Mais il est permis de combattre ceux qui mécroient Allah avec ceux qui désobéissent à Allah. Ça veut dire que le djihad, il peut être fait avec des gens qui font des péchés, contre des gens qui mécroient à Allah. Par contre, il ne peut pas être fait avec des gens qui mécroient à Allah contre d'autres qui mécroient à Allah. Faut m'aller. Ça veut dire que la personne, il ne va pas dans des pays, soi-disant, combattre les kuffars avec des gens qui combattent pour établir un état démocratique. Ces gens sont eux-mêmes des kuffars. Il ne va pas faire ça avec des laïcs ou avec des adorateurs de tombes, Ubad al-Kubur. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça, soi-disant, avec des groupes qui sont islamiques, mais qui en fait veulent établir la démocratie, comme ça se fait dans certains pays du monde. On est d'accord? Il faut qu'ils combattent sous la bannière du tawhid, pour établir le tawhid sur la terre. Allah Azza wa Jalla a dit: "Qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Et ce qui signifie qu'on va t'aider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah. Et la fitna, c'est le shirk, comme l'ont dit les salafs. Regardez dans Tafsir ibn Kathir. Que dire alors de la personne qui combat pour qu'il y ait le shirk? Hatta takuna fitna. Yuqatil hatta takuna al-démocratie wa ilmaniya wa hurriyat al-i'tiqad. Qui combat pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la laïcité, qui pour la liberté de croyance ou la liberté d'expression. Ça signifie la liberté du corps? Non. Il doit combattre pour établir la loi d'Allah sur la terre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, au début du chapitre du djihad dans Bulugh al-Maram, Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, fahuwa fi sabilillah. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et Allah dit, والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. Ceux qui croient combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui mécroient combattent dans le sentier du Tawhid. Donc ils ne font pas combattre dans les buts, combattre dans les groupes qui ont des buts démocratiques. Il ne faut pas combattre dans ces groupes-là. Il faut combattre dans des groupes qui ont des buts islamiques. Et le mieux, c'est que la bannière soit faite sous la bannière de la sunna, que le djihad soit fait sous la raya du tawhid et de la sunna, sous la bannière du tawhid et de la sunna, afin que les choses soient claires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ وَيَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ وَيَنْصُرُ عَصَبَةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّ. Oh Muslim, ce hadith est dans le kitab al-Imara de Sahih Muslim. Il dit, celui qui combat sous une bannière aveugle, il ne sait pas pourquoi il combat, qui se met en colère pour du fanatisme et qui secourt le fanatisme, comme par exemple le nationalisme. Hein, c'est le plus grand fanatisme. Lorsqu'il meurt, il meurt de la mort de la jahiliya. Il meurt dans une mort de la jahiliya. Ce sont des raya jahiliya, des bannières de la jahiliya. Et trop de muslimines sont morts à notre époque sous des bannières de la jahiliya. Trop de muslimines, ils sont morts pour établir l'état, pour établir des états démocratiques. Tujjar ad-dima, les commerçants du sang, ils ont fait combattre les muslimines, hein, al-mukhlisin, les gens qui étaient sincères et qui voulaient vraiment combattre pour défendre leurs frères, ils les ont fait combattre pour faire du commerce avec leur sang, Tujjar ad-dima. Et ils ont fait leur état, bâti leur état démocratique avec le sang des muwahidines. Et ça, ça suffit. On ne veut plus voir ça à notre époque. Et le djihad est une obligation de la sharia. Elle n'est pas interrompue ni par l'absence de l'imam, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de califat, on combat quand même, c'est une obligation de la sharia. Quand il n'y a pas de califat, t'arrêtes de faire la salade? Non. À l'époque du prophète, ils faisaient la salade derrière le calife, derrière le prophète, après derrière Abu Bakr, le Jumu'ah, etc., etc. Mais quand le prophète est mort, ou quand Abu Bakr est mort, ils ont arrêté de faire la salade? Non, ils n'ont pas arrêté de faire la salade. Le djihad, c'est pareil. Et les ulama, ils disent, comme il dit Ibn Qudama, rahimahullah, dans son livre Al-Mughni, فَإِنْ عُدِمَ الْإِمَامِ لَمْ يُؤَخَّرَ الْجِهَادِ. Et si l'imam n'est pas présent, le calife n'est pas présent, on ne retarde pas le djihad. يَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ. Car l'intérêt du djihad est absent si on le retarde. C'est-à-dire les musulmans ils seront tués, le din sera vaincu, etc., etc. Ça c'est dans le Mourni, le volume 12, la page 431. Et les ulama ils disent aussi, رَحِمَهُمُ اللَّهِ, et ça on l'a cité plus ou moins, ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه. Et quel plus grand péché après la mécréance, d'empêcher les gens de combattre les kuffars et d'ordonner aux gens de donner les femmes des musulmans aux kuffars. Pourquoi? Lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de djihad dans notre époque, ils disent en fait que les gens ne doivent pas se défendre. Ils doivent se laisser assassiner, enlever, les femmes elles doivent se laisser violer par les chiites, par les américains, par les juifs, etc., etc. Et tout cela, il le dit à cause du péché d'un homme musulman qui n'impose pas le péché à d'autres. Ça veut dire quoi? Ils te disent, il y a des pécheurs, il y a des gens, ils sont pas exactement dans le dîn ou quoi que ce soit. Non, la seule condition pour faire le djihad, les ulémas, ils en ont donné 7. C'est quoi? Il dit Ibn Qunama dans le Mourni, dans le volume 12, la page 423, où yushtarat al-wujub al-jihad sab'at al-shurut. Et le djihad, pour qu'il soit obligatoire, il y a 7 conditions. L'islam, que la personne soit musulmane. Il ne faut pas qu'il soit démocrate ou mushrik. والبلوغ que la personne y soit pubère, والعقل que la personne y soit douée de raison, والحرية que la personne y soit libre et non pas esclave, والذكورية que la personne s'assoit un homme et non pas une femme, والسلامة من الضرر que la personne y soit pas handicapée, ووجود النفقة et que la personne il ait assez d'argent pour aller au djihad. Et le djihad il devient obligatoire comme ils l'ont dit les ulama, comme il a dit Ibn Qudama rahimahullah, pareil dans le Mourni, on cite une des livres de fiqh qui fait l'unanimité, comme quoi c'est un livre de fiqh qui est une référence. Ibn Qudama dit وَيَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ, le djihad devient une obligation individuelle dans trois cas. Individuel dans trois cas. أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام. Lorsque les deux armées se rencontrent et lorsque les deux rangs de combattants se font face, il est interdit de partir à ce moment-là et il est une obligation de rester dans la bataille. Allah il a dit عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. Il dit, ce qui signifie, oh, vous qui croyez, lorsque vous rassemblez, lorsque vous rencontrez une armée, c'est-à-dire ennemie, fasbutu, soyez ferme, wazkurullah kathira, et rappelez-vous Allah, et rappelez-vous beaucoup Allah, azza wa jal. Il a dit, subhana ya ayyuha alladhina amanu, idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar. Oh, vous qui croyez, lorsque vous rencontrez les mécréants au combat, ne leur tournez pas le dos. Ne leur tournez pas. والثاني إن نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. Deuxième, lorsque les mécréants envahissent un pays, il est une obligation pour les gens de ce pays de les combattre et de les repousser. On va voir que c'est pas que pour les gens du pays. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لازمهم النفير معه. Si jamais l'imam s'il est présent, le khalif, amir al-mu'minin, il dit aux gens allez au jihad, là ça devient une obligation pour eux. Il dit un tel tu vas au jihad, ça devient une obligation pour lui. Et ça, c'est dans le Mourni, on l'a dit, le chapitre du djihad. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, قال الشيخ الإسلام dans سياسة الشرعية, فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم. Et lorsque l'ennemi attaque les musulmans, ça devient une obligation de le repousser pour ceux qui sont attaqués et pour ceux qui ne sont pas attaqués. Et là, c'est une réponse à ce que dit. Ça, c'est dans Majmou' al-Fata, le volume 28, la page 359. Quant à ceux qui disent, il n'y a pas de djihad, sauf si les gouverneurs, je ne sais pas trop quoi, ou quoi que ce soit. Un des savants du Najd, c'est le petit-fils de Mohamed al-Abdouhab, l'auteur de Fath al-Majid, le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a répondu à cela, lorsqu'il dit, Rahimahullah, wa yuqalu bi'i kitab. أو بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والتغريب فيه والوعيد في تركه. عبد الرحمن بن حسن دي et par quel livre et par quelle preuve selon quoi le djihad ne serait obligatoire que s'il y a un imam qui est suivi, c'est-à-dire que comme disent là, les gouverneurs ou mal les gouverneurs. Il dit ceci est un mensonge sur la religion. Et la personne s'est détournée du sentier des croyants. Et les preuves de la fausseté de cette parole sont plus connues qu'on ait besoin de les rappeler. Et parmi cela, la généralité de l'ordre du djihad. Et le fait qu'Allah nous ait incité à le faire et qu'il nous ait menacé lorsque nous ne le faisons pas. Et ça c'est dans Al-Saniya, le volume 8, la page 199. Donc comment une personne qui peut se dire, soi-disant, qui suit les salafs, il laisse les paroles des ulama, on a cité Ibn Qudama, comme quoi il a dit, il n'y a pas d'imam, on ne retarde pas le djihad. Pas d'imam. Là, Ibn Abd al-Rahman Hassan, il dit, il n'y a pas de preuve. Au contraire, c'est un mensonge contre Allah. Donc, c'est qui vous suivez, en fait? Vous suivez qui? On a dit, on a dit, وَدِمَا الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَادُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ عِنْدَنَا حَرَامٌ لَا يُبَاحُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَبَحَهُ الشَّرَعُ وَأَهْدَرَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et le sang des musulmans, et leur honneur, et leurs biens sont sacrés pour nous. Nous ne rendons permis rien de cela, sauf ce qu'a rendu permis Ash-Shar'a, la législation d'Allah Azza wa Jal, ou qu'a permis de faire verser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith, comme quoi ces trois choses, zina, ba'd al-ihsan, lorsque la personne commet l'adultère, la kufru ba'd al-iman, la mécréance après avoir eu la foi, wa thalith, wa al-nafs bin-nafs, et l'âme contre l'âme, c'est-à-dire le talion. ونؤمن بأن الطائفة الموحدة المجاهدة إذا تمكنت في أرض يجب عليها تحكيم الشريعة على الفور بإقامة التوحيد والدعوة إليه وتدمير أماكن الشرك وإقامة الحدود والقصاص وهذا غاية الجهاد القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Et nous croyons fermement que tout groupe qui est sur le tawhid et qui combat dans le sentier d'Allah, lorsqu'il a le pouvoir sur la terre, ne serait-ce que dans un seul village, il est une obligation pour lui d'appliquer la sharia d'Allah Azzawajal, dans l'instant, en appliquant le tawhid sur les gens, et en les incitant au tawhid, c'est-à-dire en les incitant à délaisser le shirk, pour ceux qui adorent les tombes, quoi que ce soit. En détruisant les lieux de shirk, en détruisant les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, par exemple, ou tous les lieux de shirk, en leur rendant obligatoire la salat, en les incitant à faire la salat, par exemple, en ordonnant le bien, interdisant le mal, en appliquant les peines prescrites qu'Allah a légiférées, et en appliquant le talion lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire en jugeant avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela c'est le but du djihad. Tout ça, le but du djihad a été légiféré pour ça, et on l'a dit, le qital, le combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, que le din soit entièrement pour Allah. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين.